Deuxième livre des Rois, chapitre 23. Alors le roi envoya, et on assembla vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta à la maison de l'Éternel, et avec lui tous les hommes de Juda, et tous les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs et les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et on lut, eux l'entendant, toutes les paroles du livre de l'Alliance, qui avaient été trouvées dans la maison de l'Éternel. Et le roi se tint auprès de la colonne, et traita devant l'Éternel cette alliance-ci, qu'ils suivraient l'Éternel, et qu'ils garderaient de tout leur cœur, et de toute leur âme, ses commandements, ses témoignages, et ses statuts, pour persévérer dans les paroles de cette alliance, écrite dans ce livre, et tout le peuple se tint à cette alliance. Alors le roi commanda à Hilkija le grand sacrificateur, et aux sacrificateurs du second rang, et à ceux qui gardaient les vaisseaux, de tirer hors du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, et pour les bocages, et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs de Cédron, et on emporta leur poudre à Bethel. Et il abolit les prêtres des idoles, que les rois de Juda avaient établis, quand on faisait des encensements dans les hauts lieux, dans les villes de Juda, et autour de Jérusalem, il abolit aussi ceux qui faisaient des encensements à Baal, au soleil, à la lune, et aux astres, à toute l'armée des cieux. Il fit aussi emporter le bocage de la maison de l'Éternel hors de Jérusalem, en la vallée de Cédron, et le brûla dans la vallée de Cédron, il le réduisit en poudre, et le jeta sur le sépulcre des enfants du peuple. Ensuite il démolit les maisons des prostituées à paillardise, lesquelles étaient dans la maison de l'Éternel, et dans lesquelles les femmes travaillaient à faire des pavillons pour le bocage. Il fit aussi venir des villes de Juda tous les sacrificateurs, et profana les hauts lieux où les sacrificateurs avaient fait des encensements, depuis Geba jusqu'à Beesseba, et il démolit les hauts lieux des portes, qui étaient à l'entrée de la porte de Josué, capitaine de la ville, laquelle est à la gauche de la porte de la ville. Au reste, ceux qui avaient été sacrificateurs des hauts lieux, ne montaient point vers l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain parmi leurs frères. Il profana aussi Tophet, qui était dans la vallée du fils d'Hinnom, afin qu'il ne servît plus à personne pour y faire passer son fils ou sa fille par le feu, à Molech. Il ôta aussi de l'entrée de la maison de l'Éternel, les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, vers le logis de Nétan-Mélech eunuque, situé à Parvarim, et il brûla au feu les chariots du soleil. Le roi démolit aussi les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz, que les rois de Juda avaient fait, et les autels que Manassé avait fait dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, il les brisa, les ôtant de là, et il en répandit la poudre au torrent de Cédron. Le roi profana aussi les hauts lieux, qui étaient vis-à-vis de Jérusalem à la main droite sur la montagne des Oliviers, que Salomon roi d'Israël avait bâti à Astaroth, l'abomination des Sidoniens, et à Kemo, l'abomination des Moabites, et à Milcom, l'abomination des enfants de Ammon. Il brisa aussi les statues, et coupa les bocages, et remplit d'ossements d'hommes les lieux où ils étaient. Il démolit aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, cet autel-là, dis-je, et le haut lieu, il brûla le haut lieu, et le réduisit en poudre, et brûla le bocage. Or Josias s'étant tourné, avait vu les sépulcres qui étaient là en la montagne, et il avait envoyé prendre les os des sépulcres, et les avait brûlés sur l'autel, et il l'avait ainsi profané, suivant la parole de l'Éternel, que l'homme de Dieu avait prononcé à haute voix, lorsqu'il prononça ces choses-là à haute voix. Et le roi avait dit, « Qu'est-ce que ce tombeau que je vois ?» Et les hommes de la ville lui avaient répondu, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui vint de Juda, et qui prononça à haute voix, les choses que tu as faites sur l'autel de Bethel. » Et il avait dit, « Laissez-la, que personne ne remue ses os, ainsi ils avaient préservé ses os, avec les os du prophète qui était venu de Samarie. » Josias ôta aussi toutes les maisons des hauts lieux, qui étaient dans les villes de Samarie, que les rois d'Israël avaient faites pour irriter l'Éternel, et il leur fit selon tout ce qu'il avait fait à Bethel. Et il sacrifia sur les autels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui étaient là, et brûla sur eux des ossements d'hommes, puis il s'en retourna à Jérusalem. Alors le roi commanda à tout le peuple, en disant, « Célébrez la Pâque à l'Éternel votre Dieu, en la manière qu'il est écrit au livre de cette alliance. » Et certainement jamais Pâque ne fut célébrée dans le temps des juges, qui avait jugé en Israël, ni dans tout le temps des rois d'Israël, et des rois de Juda, comme cette Pâque qui fut célébrée en l'honneur de l'Éternel dans Jérusalem, la 18e année du roi Josias. Josias extermina aussi ceux qui avaient des esprits de Python, les diseurs de bonne aventure, les Théraphim, les dieux de Fiente, et toutes les abominations qui avaient été vues dans le pays de Juda, et dans Jérusalem, afin d'accomplir les paroles de la loi, écrites au livre qu'Ilkija, le sacrificateur avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant lui il n'y eut point de roi qui lui fût semblable, qui se retourna vers l'Éternel de tout son cœur, et de toute son âme, et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui il ne s'en est point levé de semblable à lui. Toutefois l'Éternel ne revint point de l'ardeur de sa grande colère de laquelle il avait été embrasé contre Juda, à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'irriter. Car l'Éternel avait dit, « Je rejetterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai rejeté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem, que j'ai choisie, et la maison de laquelle j'ai dit, mon nom sera là. » Le reste des faits de Josias, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Écho, roi d'Égypte, monta contre le roi des Assyriens vers le fleuve d'Euphrate, et Josias s'en alla au-devant de lui, mais dès que Pharaon l'eut vu, il le tua à Megiddo. Et ses serviteurs le chargèrent mort sur un chariot de Megiddo, et le portèrent à Jérusalem, et l'ensevelirent dans son sépulcre, et le peuple du pays prit Jéhoachaz, fils de Josias, et ils l'oignirent, et l'établirent roi en la place de son père. Jéhoachaz était âgé de 23 ans, quand il commença à régner, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère avait nom Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Et Pharaon Écho l'emprisonna à Ribla, au pays de Hamath, afin qu'il ne régnât plus à Jérusalem, et il imposa sur le pays, une amende de 100 talents d'argent, et 1 talent d'or. Puis Pharaon Écho établit pour roi Éliakim fils de Josias, en la place de Josias son père, et lui changea son nom, l'appelant Jéhoiakim, et il prit Jéhoachaz, qui vint en Égypte, où il mourut. Or Jéhoiakim donna cet argent et cet or à Pharaon, ayant mis des taxes sur le pays pour fournir cet argent selon le commandement de Pharaon, et il leva l'argent et l'or de chacun du peuple du pays selon qu'il était taxé, pour donner à Pharaon Écho. 36 Jéhoiakim était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Zebuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avaient fait ses pères.